Donc j'ai le plaisir, je ne suis pas Christian Lazeri, hein, j'ai néanmoins le plaisir d'introduire Pierre Crétois, qui est donc ATER à l'Université de Provence, doctorant, dont le titre de la thèse est « L'émergence de la notion contemporaine de propriété dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, hein, sous la direction de Juliette Grange ». Alors, je vais simplement citer donc un commentaire du Contrat social, hein, le Contrat social livre 1 et 2, paru chez Ellipse en 2011, et je vous cède tout de suite la parole. Je vous remercie, et je remercie également les organisateurs pour l'organisation de cette campagne, et aussi pour m'y avoir confié. Par ailleurs, je trouve que le thème est très intéressant, la question de l'archéologie des représentations économiques, et d'ailleurs, ça converge avec certains aspects de mes recherches. J'avais organisé une journée d'études l'année dernière sur la Robinsonade. C'est un peu la même perspective. Le titre de mon intervention, c'est Rousseau, critique de Montesquieu. Pourquoi Rousseau n'aime-t-il pas le commerce ? Alors, je vais m'excuser parce que je suis plus spécialiste de Rousseau que de Montesquieu. Je vais néanmoins me permettre de parler de Montesquieu, et de ce point de vue-là, l'apport éventuel de cette intervention, c'est une lecture assez suivie de certains aspects du chapitre 20 de l'esprit des lois, où il est question du commerce. La question du caractère moral du commerce a déjà été bien étudiée en France et à l'étranger au XVIIIe siècle. On parle d'humanisme commercial. Il y a d'ailleurs certains passages de l'ouvrage d'Arnaud Skornicki, l'économiste, la cour et la patrie sur la question, ou des passages de l'ouvrage de Catherine Larère, l'invention de l'économie politique. Par ailleurs, concernant Rousseau, l'étude d'un Rousseau économiste a aussi été assez balisée, dans un sens ou dans l'autre, pour dire qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Il y a beaucoup d'articles de Céline Spector, Beth Backofen, Michel Launay, Simone Messonnier, Catherine Larère également. Et il y a eu un cahier d'économie politique sur Rousseau, philosophie et économie. Donc ce que j'aimerais faire, c'est simplement et modestement proposer une démonstration de la manière dont Rousseau prend à contre-pied les thématiques structurantes du doux commerce pour construire son économie politique populaire. Ce rapprochement de Rousseau avec le doux commerce n'est pas forcément présent textuellement. Le seul passage où Rousseau parle de doux commerce, en utilisant le terme commerce dans un sens qui n'est pas du tout économique. C'est la douceur, dans le discours sur l'origine de l'inégalité, la douceur d'un commerce indépendant. Néanmoins, le fait qu'il rapproche douceur et commerce, à mon sens, n'est pas anodin. Il a lu Montesquieu, il l'a commenté pour Madame Dupin, qui était la femme d'un fermier général, à la fin des années 1747. Donc il est évident que la thématique du doux commerce participe de l'entreprise de légitimation d'un capitalisme émergent au XVIIIe. Pourtant, prendre au sujet du commerce le point de vue moral, comme le fait cette doctrine, et non le point de vue du droit, de l'intérêt et de l'utilité économique, peut apparaître comme un angle d'attaque surprenant, mais précisément, il n'est pas tant que ça, parce qu'il appartient à cette tradition de l'humanisme commercial qui est assez bien repérée. Néanmoins, ce concept historiographique n'est pas sans poser d'humanisme commercial, n'est pas sans poser problème, car l'idée est en effet répandue depuis Pocock que la société commerçante s'est déployée en corrélation avec l'empire du droit civil, qui permet, et dans le langage que Pocock appelle le langage des droits, qui permet de défendre les biens en rendant à chacun ce qui lui appartient. En face du droit civil, il existerait une autre tradition, un autre langage, qui est celle républicaine, du langage de la vertu, qui promeut avant tout le bien commun, l'engagement civique. Rousseau met lui-même en scène l'opposition du commerce tourné vers l'intérêt personnel d'un commerçant individualisé face à la vertu civique tournée vers l'engagement civique. Pour le bien commun, je cite Rousseau, dans le discours sur les sciences et les arts. Que faudra-t-il conclure de ce paradoxe, si digne d'être né de nos jours, et que deviendra la vertu quand il faudra s'enrichir à quelque prix que ce soit ? Les anciens politiques parlaient sans cesse de mœurs et de vertu, les nôtres ne parlent que de commerce et d'argent. Alors, on m'a soufflé à l'oreillette tout à l'heure que c'est une citation, une quasi-citation de Montesquieu. C'est une idée sur laquelle Rousseau revient très souvent, en particulier au chapitre 15 du livre 3 du Contrat social, sur la représentation, où Rousseau met en parallèle le développement de la représentation politique et celui du caractère vénal de toute chose. Puisque finalement, le représentant, il est chargé, contre rétribution, contre la fiscalité, de faire de la politique et de s'engager politiquement à la place des citoyens eux-mêmes. Donc la représentation n'étant qu'une manière de déléguer à d'autres le soin de s'occuper de la chose publique et d'abandonner du coup contre de l'argent tout engagement civique. Je cite Rousseau: c'est le tracas du commerce et des arts, c'est l'avis d'intérêt du gain, c'est la mollesse de l'amour des commodités qui change les services personnels en argent. On cède une partie de son profit pour l'augmenter à son aise, donner de l'argent et bientôt vous aurez des fers. Ce mot de finance est un mot d'esclave, il est inconnu dans la cité. Dans un État vraiment libre, les citoyens font tout avec leurs bras et rien avec de l'argent. Loin de payer pour s'exempter de leurs devoirs, c'est le cas de la représentation, au sens de Rousseau, on paye pour s'exempter de nos devoirs, ils payeraient pour les remplir eux-mêmes. La seule exception où Rousseau utilise le terme commerce, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais précisément, il l'emploie pas en un sens économique. Il y a d'ailleurs un article de Blaise Bacoffen sur la question les douceurs de cette citation, les douceurs d'un commerce indépendant, paru en 2016 chez Asterno, dans la revue Asterno. Pourtant, la doctrine de Montesquieu sur le doux commerce promeut le commerce en raison de la forme de vertu qu'il stimule. Ce serait une erreur, à mon sens, de voir dans le doux commerce la présupposition de l'harmonie naturelle des intérêts que l'on pourrait trouver chez d'autres théoriciens de l'économie politique de cette époque. À mon sens, ce n'est pas ce que dit Montesquieu, il ne présuppose pas qu'il y a une harmonie naturelle des intérêts. Au contraire, Montesquieu montre bien que les intérêts ne sont pas naturellement harmonieux, c'est le cas des sociétés barbares, et qu'il faut donc qu'il y ait un devenir policé des sociétés, si je puis dire. Et Montesquieu affirme que c'est le commerce, comme pratique supra-individuelle, qui police les hommes en harmonisant les intérêts. Donc l'harmonie des intérêts est le résultat d'un dispositif artificiel. Comme pratique de l'échange, le commerce tend à annuler les rapports de pouvoir au profit des rapports strictement juridiques. Ce que Arnaud Skornicki a dit tout à l'heure. Aussi, Montesquieu n'use pas d'une argumentation technique d'un point de vue économique, à mon sens. Il est plus technique dans ses chapitres sur l'argent, chapitre 22, mais beaucoup moins là dans ce chapitre 20. Ce qui l'intéresse est sinon le caractère moral du commerce, du moins sa compatibilité avec un ordre social modéré et juste, et sa capacité même à en favoriser l'émergence. Sur ce point, il sera suivi par d'autres, entre autres par certains membres du groupe de Gournay, comme Forbonnet, qui introduit dans l'article commerce de l'encyclopédie de la manière suivante. L'article commerce est ensuite assez technique, mais le début est fidèle à Montesquieu, à l'esprit de Montesquieu, à mon sens. Je cite Forbonnet. « La providence infinie dont la nature est l'ouvrage a voulu, par la variété qu'elle y répand, mettre les hommes dans la dépendance les uns des autres. L'être suprême en a formé les liens afin de porter les peuples à conserver la paix entre eux et à s'aimer, et afin de réunir le tribut de leur louange en leur manifestant son amour et sa grandeur par la connaissance des merveilles dont il a rempli l'univers. C'est ainsi que les vues et les passions humaines rentrent dans l'ordre inaltérable des décrets éternels. » La perspective morale en économie pourrait sembler d'autant plus déstabilisante que Rawls, par exemple, qui dans une certaine mesure se fait le continuateur de la tradition libérale, considère qu'il faut primer la justice sur toute conception du bien. Or, la doctrine de Montesquieu sur la commerce montre au contraire que l'esprit de justice stricte résulte des pratiques commerciales qui suscitent des dispositions morales liées à l'interdépendance des individus. Le primat de la justice serait donc lié ce que Montesquieu appelle la justice stricte, serait donc lié à un ethos, à un esprit, à une certaine conception de la vie bonne. Il n'y aurait pas justice d'un côté et vie bonne de l'autre, certaines conceptions de la vie bonne résultant ou accompagnant le développement des pratiques commerciales. Ce ne serait pas le règne neutre du droit qui assure à chacun de vivre comme il l'entend en établissant un système axiologiquement neutre des libertés. Et c'est sous cet angle précis, à mon sens, que Rousseau attaque plus ou moins implicitement, ou plus ou moins explicitement, plutôt l'idée que les échanges adouciraient les mœurs et favoriseraient la vertu. Il s'efforce au contraire, dans son œuvre, de montrer que les effets individualisants des échanges sont étrangers à toute forme de morale et promeuvent au contraire des dispositions à la réification des partenaires de l'échange. Il montre que les dépendances commerciales dont Forbonnet, après Montesquieu, se fait le chantre, sont privatives de liberté. Le commerce apparaît entre Montesquieu et Rousseau comme le champ de bataille qui voit s'affronter, non pas, pour, à mon sens, le langage du droit d'un côté et le langage de la vertu de l'autre, mais deux conceptions concurrentes de la vertu, non comme une opposition, justement, entre langage du droit et langage de la vertu. Et c'est ce que je vais essayer de montrer dans le temps qui me reste, à travers la, ce que je dis comme une passe d'armes entre Rousseau et Montesquieu, qui est une passe d'armes largement reconstruite, encore une fois, parce qu'il n'y a pas un texte de Rousseau qui serait une accusation explicite de Montesquieu. Mais Montesquieu est présent, que Rousseau connaît très bien, est présent en filigrane dans son œuvre. Alors, tout d'abord, j'ai quatre parties, mais il est fort probable que je n'ai pas le temps de les développer toutes. Dans la première partie, je voulais étudier ce que Montesquieu dit de la faculté du commerce à favoriser les dispositions morales chez les individus. Dans la deuxième partie, j'aurais voulu étudier la manière dont Montesquieu affirme que le commerce est favorable au progrès des dispositions cognitives des individus. Ça diminue les préjugés. Donc, il y a bien une sorte de fonction cognitive du commerce. Troisièmement, le fait que le commerce fait primer l'échange des biens mobiliers à travers les relations d'interdépendance personnelle. Pour Montesquieu, ça dissout les entités étatiques, et donc c'est corrélatif de l'émergence de la société civile, comme le disait Arnaud Skornicki tout à l'heure. C'est une chose que Rousseau critique, cette dissolution dans le commerce du pouvoir politique, cet affaiblissement du pouvoir politique dans le commerce. Et en ce sens, Rousseau est plus proche de Montesquieu, de Machiavel. Ma dernière partie concernerait la question de la liberté dans le commerce. Pour Rousseau, le commerce a servi l'homme à l'homme. Il ne peut pas apparaître comme promoteur d'une justice, parce que pour Rousseau, la justice ne peut être que l'expression de la volonté libre des individus, dans les interdépendances commerciales. Et en gésine, finalement, pour Rousseau, la perte même de la liberté. Alors, dans un premier temps, la première critique de Rousseau envers Montesquieu concerne le fait que le commerce puisse être à l'origine de dispositions morales. Pour Rousseau, au contraire, il favorise la concurrence, la rivalité et l'inégalité entre les hommes. Donc, je reprends le texte de Montesquieu pour montrer les différentes choses, les différents aspects de la capacité, de la faculté du commerce à développer la morale. Selon lui. D'abord, le commerce, en rendant les nations interdépendantes, crée entre elles une communauté d'intérêts qui les pousse à s'allier et à maintenir la paix. Alors ça, c'est effectivement le point de vue du droit international. Je cite Montesquieu, chapitre 20, livre 20, chapitre 2, de l'Esprit des lois. L'effet du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes. Si l'une a intérêt d'acheter, l'autre a intérêt de vendre, et toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels. Deuxième aspect, le commerce crée dans les individus des dispositions à la justice. Car tout se monnayant dans une société commerciale, il faut respecter ce qui est aux autres et rendre précisément ce qui est à chacun. Un tel esprit de justice stricte est une condition sine qua non de la solidité du commerce. De sorte que, réciproquement, la pratique du commerce tend à développer l'esprit de justice stricte. Je cite Montesquieu, dans le même chapitre du livre 20. Mais si le commerce unit les nations, il n'unit pas, de même, les particuliers. L'esprit de commerce produit dans les hommes un certain sentiment de justice exacte. Sentiment de justice exacte, donc des dispositions individuelles, en dehors des questions de droit international. Troisième aspect, la liberté des échanges ne réside donc pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais dans le fait de se soumettre à des normes qui permettent de faciliter les interactions et de les rendre plus fluides. Autrement dit, la liberté de commerce n'est pas tant quelque chose qui permet à chacun de vivre comme il l'entend et de faire absolument ce qu'il souhaite avec ce qu'il a, c'est bien plutôt quelque chose qui fluidifie les interactions entre les hommes, les rend prévisibles, maîtrisables, en évitant les conflits. C'est quelque chose, à mon sens, que souligne bien Hirschman dans son ouvrage sur la passion et les intérêts. C'est la raison pour laquelle Montesquieu dit bien que la liberté du commerce n'est pas la licence. Ce qui gêne le commerçant ne gêne pas pour autant le commerce, dit Montesquieu au chapitre 12 du livre 20. Montesquieu rappelle donc que la liberté et licence sont deux concepts distincts. La loi, pour Montesquieu, doit donc limiter la liberté individuelle pour favoriser la liberté des interactions commerciales entre les individus. une liberté supra-individuelle dans les interactions qui serait permise par la limitation de la liberté individuelle. Je cite Montesquieu, est-ce que la liberté du commerce n'est pas une faculté accordée aux négociants de faire ce qu'ils veulent ? Ce serait bien plutôt sa servitude. Ce qui gêne le commerçant ne gêne pas pour cela le commerce. Tout cela pour dire qu'il s'agit bien d'assujettir les individus à une certaine conception de la vie bonne qui doit limiter l'exercice spontané de leur liberté. Les pratiques commerciales façonnent donc une subjectivité qui les rend possibles, de telle sorte que les lois qui entravent en partie l'action individuelle sont ce qui rend possible d'un point de vue collectif la liberté, la fluidité sans heurts des interactions. En ce sens, la liberté du commerce n'est pas l'effet de l'exercice de la liberté absolue des individus, mais bien le résultat de lois contraignantes et d'interdits qui le favorisent. Je cite à nouveau Montesquieu, c'est dans les pays de liberté que le négociant trouve des contradictions sans nombre. Alors en plus, c'est un chapitre où il parle du protectionnisme anglais. C'est assez, peut paraître assez étrange, parce qu'on pourrait contester le fait que le protectionnisme favorise réellement le commerce. Mais... Un autre aspect chez Montesquieu de la question morale, c'est que, au fond, ça n'est pas prioritairement pour Montesquieu, enfin, l'objet qu'il cherche à développer, ce n'est pas prioritairement la question du langage des droits qui façonne la société commerciale, mais c'est une certaine conception, encore une fois, de la vie bonne et de la vertu, une certaine conception du partage et de l'usage des biens matériels. Ainsi, l'esprit du commerce favorise-t-il un droit strict qui permet la plus grande partie, la plus grande garantie des biens échangés, favorisant ainsi la certitude du trafic contre tous les brigandages. La certitude de la propriété permet la prévisibilité des opérations et ainsi favorise la circulation et l'échange. C'est la raison pour laquelle la monarchie, qui ne garantit pas une parfaite rectitude des droits absolus des particuliers sur leurs biens, n'est pas un régime favorable au commerce. Je cite Montesquieu, chapitre 4, livre 20. « En un mot, une plus grande certitude de sa propriété, que l'on croit avoir dans ses États, c'est le gouvernement de plusieurs, fait tout entreprendre. Et parce qu'on croit être sûr de ce que l'on a acquis, on ose l'exposer pour acquérir davantage. On ne court de risque que sur les moyens d'acquérir. Or, les hommes espèrent beaucoup de leur fortune. » Mais pour autant, c'est pas parce que Montesquieu considère que dans le commerce favorise une certaine conception de la vie bonne et de la vertu, ça n'est pas pour autant que Montesquieu ne développe pas et n'a pas développé par ailleurs une autre conception de la vertu qu'il trouve bien entendu qu'il a développée comme étant plus fondamentale, c'est cette vertu comme propre au régime républicain ou démocratique, qui est favorable à l'amour de, enfin qui est structuré par l'amour de l'égalité. Il me semble que là, Montesquieu met en évidence dans ce chapitre 20, non pas, disons, un autre langage que le langage de la vertu, mais un autre type de vertu que celui-même qu'il avait développé auparavant. Le texte de Montesquieu sur le doux commerce dégage donc un paradigme basé sur les droits, mais qui est lié à un autre type de vertu. Donc deux modèles de la vertu, l'un qui assujettit la personne aux règles collectives favorables à tous, et qui est celui de la justice stricte, et l'autre qui conduit par altruisme à sacrifier son intérêt au profit d'une cause morale plus grande. Je cite Montesquieu, « L'esprit du commerce produit dans les hommes un certain sentiment de justice exacte opposé, d'un côté au brigandage et de l'autre à ses vertus morales qui font qu'on ne discute jamais ses intérêts avec rigidité et qu'on peut le négliger pour ceux des autres. » Et il me semble qu'en un sens, c'est ce deuxième sens de la vertu comme subordination au bien commun, subordination de la volonté particulière à la volonté générale, qui sera développée par Rousseau. Raison pour laquelle Rousseau tendra à rejeter, au fond, que le commerce puisse être véritablement à l'origine de quelque chose qu'on puisse appeler la vertu. Et alors, qu'est-ce qui me fait dire ça, d'autre part, Montesquieu développe bien quelque chose qui est un modèle, un autre modèle de la vertu que celui qu'il avait développé auparavant. C'est qu'au livre 5 du chapitre 6, il montre à quel point le commerce est compatible avec la République. Il existe, c'est l'expression de Montesquieu, des républiques commerciales dans lesquelles la pratique du commerce est, favorise l'inégalité, mais n'est néanmoins compatible avec la République. Alors qu'auparavant, il avait développé l'idée selon laquelle la République, le ressort de la République, c'était la vertu, donc l'amour de l'égalité. Je cite Montesquieu. Il est vrai que lorsque la démocratie est fondée sur le commerce, il peut fort bien arriver que les particuliers y aient de grandes richesses et que les mœurs n'y soient pas corrompues. C'est que l'esprit de commerce entraîne avec soi, avec soi celui de frugalité, d'économie, de modération, de travail, de sagesse, de tranquillité, d'ordre et de règles. Je vais maintenant proposer la critique, ce qui me semble être une critique diamétrale, comme ça, ou parallèle, que Rousseau fait de Montesquieu sur cette question du commerce comme étant favorable à des dispositions vertueuses dans les individus. Premièrement, pour Rousseau, le commerce, s'il n'est pas maintenu par une entité politique supérieure, ce que Rousseau appelle un supérieur commun, rend possible toutes les inégalités et les distorsions. Il ne peut donc, comme tel, être le principe d'une république. Rousseau montre que la loi de l'offre et de la demande qui préside au commerce renforce les inégalités et permet aux hommes de se dominer les uns les autres. C'est une thèse bien repérable dans le discours sur l'origine de l'inégalité. Je cite Rousseau. Les choses en cet état demeuraient égales. En cet état, c'est-à-dire juste après la division du travail et donc aussi les conditions de possibilité de l'échange. Dès lors qu'il y a spécialisation, il y a aussi échange entre des individus spécialisés, économiquement spécialisés. Donc les choses eussent pu demeurer égales entre les hommes. Si les talents eussent été égaux, et que par exemple l'emploi du fer et la consommation des denrées eussent toujours fait balance exacte. Mais la proportion que rien ne maintenait fut bientôt rompue. Le plus fort faisait plus d'ouvrage, le plus adroit tirait meilleure partie du sien, le plus ingénieux trouvait des moyens d'abréger le travail, le laboureur avait plus besoin de fer ou le forgeron plus besoin de blé, et en travaillant également, l'un gagnait beaucoup plus, beaucoup, tandis que l'autre avait peine à vivre. Deuxième aspect, pour Rousseau, le commerce repose sur la réification et l'usage d'autrui à son profit. L'origine des échanges, selon Rousseau, vient précisément du désir d'utiliser le travail de l'autre à son propre profit. Selon Rousseau, c'est d'ailleurs par la catégorie de l'utilité que le gouverneur apprend à Émile, au livre 3, ce qu'est la division du travail et ce que sont les échanges. Autrement dit, c'est l'utilisation d'autrui qui fonde l'échange. Il ne saurait donc permettre de quelque moralité que ce soit. Il tend au contraire à favoriser des comportements sinon égoïste, au moins égocentrique. C'est encore une fois le moment de la division du travail, le moment de la division du travail dans le discours sur l'origine de l'inégalité qui atteste de cela. Je cite Rousseau, « Dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devient nécessaire, et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes, qu'il fallut arroser de la sueur des hommes. » et dans lesquels on vit bientôt l'esclavage et la misère germer et croître avec les moissons. Rousseau décrit ainsi le parallélisme entre l'intensification des interdépendances, des interactions et des échanges avec le renforcement de l'amour propre, non pas de la vertu, non pas de disposition vertueuse, mais au contraire de disposition anti-vertueuse, si je puis dire, l'amour propre. L'amour propre secondé par la raison est une passion comparative qui est d'autant plus intense que les échanges avec les autres le sont. Elle pousse à placer la valeur de notre être dans le jugement des autres. Alors, cette présentation de l'amour propre peut être en partie nuancée. Moi, j'ai entendu la semaine dernière une conférence de Blaise Bachofen sur la question. Mais bon, j'en reste là parce que c'est globalement la doctrine la plus massive sur l'amour propre qui est développée par Rousseau. Elle pousse à placer la valeur de notre être dans le jugement des autres, à calculer les meilleurs moyens que l'on dispose pour être le premier, pour être préféré. Elle favorise donc la rivalité et la concurrence. Non pas la vertu. Je cite Rousseau, l'ambition dévorante, l'ardeur d'élever sa fortune relative, moins par un véritable besoin que pour se mettre au-dessus des autres, inspire à tous les hommes un noir penchant à se nuire mutuellement, une jalousie secrète, d'autant plus dangereuse que, pour faire son coup plus en sûreté, elle prend souvent le masque de la bienveillance. En un mot, concurrence et rivalité d'une part, de l'autre, opposition d'intérêt, et toujours le désir caché de faire son profit aux dépens d'autrui. Tous ces mots sont le premier effet de la propriété et le cortège inséparable de l'inégalité récente. Dernier point sur la question, c'est que, au fond, Rousseau reconnaît néanmoins qu'il y a bien un rapport étroit entre l'existence du commerce, celle de la propriété et celle de la justice. Autrement dit, Rousseau, à mon sens, là, Rousseau suit Montesquieu. Montesquieu disait que le commerce était favoriser la justice, l'esprit de justice stricte, bien, à mon avis, Rousseau dit la même chose, mais ne voit pas sur ce point une disposition favorable à la vertu. L'esprit de justice stricte provient bien du désir de s'approprier des biens à l'exclusion des autres et de se voir rendre ce que l'on a donné, voire d'obtenir toujours davantage. Autrement dit, il y aurait une sorte d'alliance d'intérêts entre la justice comme protectrice de la propriété et le développement des échanges, du commerce et des inégalités. Mais loin que cette justice fondée sur l'esprit propriétaire soit une bonne chose, elle renforce les maux qu'elle était censée supprimer. La justice authentique, pour Rousseau, provient de la vertu, qui est la capacité à subordonner notre volonté particulière à la volonté générale. Je cite Rousseau. « Il faut convenir d'abord que plus les passions sont violentes, plus les lois sont nécessaires pour les contenir. Mais outre les désordres et les crimes que celles-ci causent tous les jours parmi nous, nous montrent assez tôt l'influence des lois à cet égard. Il serait encore bon d'examiner si ces désordres ne sont point nés avec les lois elles-mêmes. Car alors, quand elles seraient capables de les réprimer, ce serait bien le moins qu'on dût exiger que d'arrêter un mal qui n'existerait point sans elles. Elles font exister le mal qu'elles sont chargées de réprimer, du moins elles le renforcent. Donc ces lois fondées sur la protection de la propriété, de ce qui est à chacun. Bon, j'ai presque écoulé mon temps, donc je vais terminer les trois dernières parties en les résumant. Le deuxième aspect de la critique de Rousseau à l'égard de Montesquieu concerne le fait que l'idée selon laquelle le commerce favoriserait des dispositions cognitives. Montesquieu affirme en effet que le commerce réduit les préjugés. Alors il insiste sur plusieurs choses dans cet aspect-là. Il insiste sur le fait que le commerce favorise par exemple l'esprit de comparaison. Et le 18e, largement empiriste, associe l'esprit de comparaison avec le fondement même de la connaissance. Comparer, c'est le chemin vers la connaissance. Donc, toute une série de choses tendent à montrer, d'affirmations chez Montesquieu, tendent à montrer justement que le commerce favorise l'esprit éclairé. Au contraire, à mon sens, Rousseau montre à quel point, alors surtout dans ses critiques de l'argent, montre à quel point le commerce peut être source de fausses valeurs, de biais cognitifs. Et alors, on trouve ça, par exemple, dans le chapitre 3 de l'Émile, où Rousseau apprend à Émile, et s'est enseigné à Émile, plutôt, la source, le fondement de la valeur. Et il montre à quel point les échanges tendent à valoriser, à donner donc une valeur d'échange importante à ce qui a le moins de valeur d'usage. Les arts, le luxe, est extrêmement valorisé, alors qu'il a très peu de valeur d'échange, d'usage. Inversement, ce qui a une grande valeur d'usage, les biens, les blés sont très peu valorisés, ont une très petite valeur d'échange. Donc Rousseau s'attache, et il propose un certain nombre d'explications de ce point de vue-là, à montrer la manière dont le commerce tend à favoriser des biais cognitifs et non pas à favoriser un esprit éclairé. Le troisième aspect de la critique de Rousseau concernait la question de savoir si le commerce comme instance de mondialisation et de dissolution du pouvoir politique au profit de la société civile est une bonne chose. Rousseau pense que c'est une mauvaise chose et il est au contraire favorable au renforcement du pouvoir politique à condition que ce pouvoir politique soit correctement fondé. Alors il y a un aspect de l'opposition entre eux qui se place sur le plan de la nature des biens. Montesquieu dit que le commerce finalement échappe au pouvoir politique parce qu'il réside dans l'échange de biens mobiliers, qui sont fluides, qui sont introuvables, etc. Qui passent facilement de la main à la main, qui passent facilement les frontières. Rousseau, au contraire, critique cet esprit commerçant qui tend à vouloir échapper aux lois fondées sur le pouvoir politique, d'une part. D'autre part, un des aspects de la pensée de Rousseau, la pensée politique de Rousseau, consiste à affirmer la nécessité d'un territoire, d'un État politique territorialisé. On peut lire cet aspect-là de la pensée de Rousseau, par exemple, au chapitre 9 du livre 1 du Contrat social. Donc là, il y a vraiment, à mon sens, une réelle opposition entre Rousseau et Montesquieu. Le dernier point, qui est un point auquel on s'attend davantage, parce qu'il était déjà été bien, il a déjà été bien développé par Jean-Fabien Spitz, par Catherine Larrère ou Céline Spector, c'est la critique que Rousseau fait du commerce en raison du fait qu'il conduit à la dépendance entre les hommes et donc à des situations de privation de liberté. Montesquieu voit, à mon sens, dans la loi, une instance chargée de régler les phénomènes collectifs, en limitant la liberté individuelle. Donc le commerce règle les interdépendances, et en ce sens, il est favorable à la paix, à la justice, au caractère poli des sociétés. Rousseau voit au contraire dans l'interdépendance des hommes, non pas une voie vers la société, une société idéale ou une société juste, mais au contraire la source de privation de liberté, et il estime que le seul fondement de la loi doit être l'expression de la souveraineté du peuple. Souveraineté du peuple qui présuppose le fait que chacun ne se trouve pas dans une relation de vulnérabilité vis-à-vis des autres, qui pourrait tendre à faire qu'ils se soumettent à la volonté des autres. Or, c'est précisément ce biais que Rousseau voit dans le commerce. Dans le commerce, l'un dépend de l'autre et peut donc être poussé à s'assujettir à sa volonté. Je termine, je conclue. Alors, la perspective de Montesquieu est pas si... Alors, parce que là, je la présente de manière caricaturale pour les opposer, mais en réalité, Montesquieu, à la fin du chapitre 20, montre que le commerce n'est pas en lui-même quelque chose de forcément souhaitable dans tous les cas. Mais par exemple, que dans le cas des Polonais, qui utilisent le commerce... Les Polonais dont le peuple est appauvri au profit des aristocrates qui utilisent le commerce pour acheter des produits de luxe, mais pour acheter ces produits de luxe appauvrissent leur population. Dans ce cas-là, les Polonais seraient mieux inspirés de diminuer le commerce que de l'augmenter. Donc il s'agit toujours d'une perspective, chez Montesquieu, d'une perspective conséquentialiste. S'il considère que la plupart du temps et dans la majorité des cas, le commerce est une bonne chose, ça n'est pas vrai dans tous les cas. Je termine mon exposé de la manière suivante. À l'issue de l'examen de la doctrine rousseauiste du doux commerce, remettant en cause à la fois le caractère positif du commerce pour les mœurs, pour la lucidité axiologique des hommes, ayant aussi remis en cause l'avantage économique et politique de la circulation des biens mobiliers, au profit d'une valorisation de la territorialité et de l'affirmation du pouvoir politique, nous pouvons conclure que l'opposition entre le commerce et la République se pose moins dans les termes d'une opposition entre l'empire du droit civil d'un côté et de l'autre côté le règne de la vertu, entre justice d'un côté et soumission au bien commun de l'autre, qu'entre deux conceptions de la vie bonne et du bien commun, deux projets de civilisation assez largement incompatibles d'un point de vue théorique au moins. De manière plus générale, on peut dire que la doctrine du doux commerce, qui constitue un module décisif dans la pensée libérale, va dans le sens de... on ne peut pas dire que cette doctrine du doux commerce aille dans le sens de ce que Isaiah Berlin a appelé la liberté négative des modernes. Une des pierres d'angle du libéralisme, qui consiste à affirmer que le primat de la justice sur le bien qu'il promeut permet à chacun de vivre selon sa conception du bien, tant qu'il n'interfère pas arbitrairement dans la vie d'autrui, se trouve donc sinon ébranlé, au moins mis en perspective, à mon sens, par la manière dont est défendu le doux commerce. L'intérêt précis de la doctrine du doux commerce est qu'elle place la promotion du commerce sous la houlette de celle de la vertu, et interdit donc l'opposition trop facile entre liberté négative d'un côté et liberté positive de l'autre. La pratique du commerce enveloppe un éthos et une conception positive de la vie pratique et du bien, auquel elle assujettit les agents. Elle ne saurait être assimilable à la promotion d'une pure liberté négative, que l'on opposerait trop facilement à la liberté positive des partisans réactionnaires de la vertu civique. Ça n'est pas le moindre intérêt, à mon sens, de la doctrine du commerce que de nous conduire à une telle considération.